Martinique, des macarons, cheveux longs. C'est comme ça que ça se passe. Beaucoup pas fait pour as, qu'on si on s'est en rapace. Au restaurant de la place, c'est comme ça que ça se passe. Beaucoup pas fait pour as, qu'on si on s'est en rapace. Les macarons, cheveux longs, à qui vilon. Mais sous ma dite, c'est tes mains, bon, on t'a qu'à péter. Anti-chapi, ou les mandarines, même si c'est un des graisses, qu'a fait ton monde de la tête. Les macarons, cheveux longs, à qui vilon. Mais sous ma dite, c'est tes mains, bon, on t'a qu'à péter. Anti-chapi. Fouma, on démarre la bête pour faire la fête. Rendez-vous au ciné devant les restos à Madjana. Ok, bagaille la tranquille, nous on sala. Sigmata, ratatatata, nous pas en laissa. On sait, portable qu'à sonner à dans sala. Donc on n'a qu'à crier, on m'ouvre et puis on soldat. Moi-même, moi c'est pour gaga, moi pas qu'à faire foi. Celle bagaille m'a dit, femme non, allez ici ya. Chawaii est déposé, non coupé. À moment à la ou qu'à passer pour un tépé. Chawaii est déposé, non coupé. C'est pour ça yo qu'à crier tout, t'y m'a coupé. Chawaii est déposé, non coupé.